Mais je me suis donné le devoir aussi, pendant cette campagne électorale-là, de donner la parole à des candidats indépendants, à des gens comme vous et moi, des citoyens ordinaires qui décident de dire « Moi, je saute dans l'arène. » Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui chialent. « Ah, les policiers, c'est tout des pourris, c'est tout des corrompus. » Ouais, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu fais pour changer les choses? Et ce matin, on reçoit un autre candidat indépendant, celui-là dans le comté de Vanier. Et c'est quelqu'un que vous connaissez déjà parce que vous l'avez vu longtemps à la télévision. Faisait des émissions de chasse et pêche. Vous l'avez entendu à la radio au 93 aussi dans les dernières années. Et il a aussi été député adéquiste de Montmagny. Ça, c'est en 2007, monsieur Roy, vous aviez été élu, battu ensuite lors de l'élection de 2008. C'est Claude Roy qui est avec nous en studio, monsieur Roy. Bienvenue à Choix. Merci beaucoup. Bonjour. Vous êtes candidat donc dans Vanier cette fois-ci. Vanier-les-Rivières. Donc aujourd'hui, c'est plus grand un peu, donc c'est Vanier-les-Rivières. OK. Vous allez affronter le député sortant Patrick Huot. Est-ce que c'est un comté que vous connaissez? Avez-vous des racines? Parce que vous étiez à Montmagny, vous, à l'époque. Ouais. Donc moi, j'étais à Montmagny, mais j'étais surtout, je suis de Québec depuis des années. Mm-hmm. Je restais sur la rive sud de Saint-Rédempteur. Ouais. Et l'appartement que j'ai présentement à Charlebourg, parce que je demeure à Charlebourg, c'est l'appartement de fonction que j'avais dans le temps que j'étais député de Montmagny-Lillet. Mm-hmm. Donc, j'ai décidé de la garder. Quand j'ai vendu ma maison, rendu à 60 ans comme j'ai, on se rachète plus de maison. Fait qu'il faut que tu restes en appartement ou tu t'achètes un condo quand t'as des sous. Mais comme je suis un col rouge, je reste en appartement. OK. Là, justement, vous parlez des cols rouges. On vous présente comment? Êtes-vous candidat indépendant? Êtes-vous candidat col rouge? Non, premièrement, il y a eu le regroupement des cols rouges. Ouais. Je vous en rappellerai, il y a quand même quelques années. La manifestation était sorti dans les rues avec tout habillé en rouge, des mobs, des balais, en disant au gouvernement, faites votre ménage. Et bien sûr, ça a perduré. Les gens demandent toujours, c'est quoi école rouge? On connaît école blanc, on connaît école bleue, c'est quoi école rouge? Mais école rouge, c'est des gens comme vous et moi qui se levons le matin, qui ont une famille, deux enfants, probablement deux autos, bien des fois deux jobs pour arriver. On est les plus grands payeurs de taxes, mais on n'a pas de représentation au sein du gouvernement. Mm-hmm. Donc, est-ce que c'est un nom qui est enregistré, ça? C'est un parti? Non. Je représente mon nom, c'est Claude Roy indépendant. Okay. Et le site internet et mon Twitter, tout ça, c'est clauderoyindépendant.com. OK. Parce qu'il y a peut-être des gens qui savent pas du tout de quoi on parle, col rouge, ce matin. C'est que c'est notre station concurrente. C'est JMF qui a organisé quelque chose. C'est une espèce de politique académique que vous avez gagné sur les ondes de la station concurrente. Si on peut appeler ça comme ça, j'aime pas. Ouais. C'est sûr que c'est l'interprétation que les gens ont, puis c'est correct, là. Mm-hmm. Écoute, il y avait 10 candidats, puis les gens ont voté pour les 10. Il y a eu une élimination, finalement. Ouais. Martin Guil et moi, on a eu un débat en ondes, et les gens ont revoté pendant la semaine, et c'est moi qui ai gagné. Mm-hmm. Mais de toute façon, mon intention était de me présenter, moi. Déjà en partant, j'avais dit, je me relance en politique. Vous aviez pas besoin du concours radio, puis du politique académique. Non, parce que je me serais présenté probablement dans un autre comté, mais j'ai choisi Vanier parce que Vanier représente exactement ce que j'étais à Montmagny. Okay. Un comté, même si Montmagny, c'est vraiment rural, Vanier, il y a beaucoup de monde qui vivent dans Vanier, puis il y a beaucoup de monde qui travaillent dans Vanier, mais qui vivent à l'extérieur de Vanier. Et la ville de Vanier, quand on regarde Vanier, les rivières, la concentration des gens, c'est vraiment des gens de la classe moyenne, des gens qui travaillent dur, qui travaillent fort, et on a exactement quand je regarde tout le côté économique que j'ai lu, c'est exactement similaire à ce que j'avais dans Montmagny, et c'est pour ça que j'ai choisi Vanier. Je vous pose la question comme je l'ai posée à tous les candidats indépendants qu'on a reçus dans les dernières années. Vous gagnez votre vie comment actuellement? Parce que la crainte des fois qu'on a, c'est de dire, bon, regarde un tel, là, il cherche une job, il veut avoir une job, il veut siéger à l'Assemblée nationale. Vous gagnez votre vie comment actuellement? Moi, je suis chauffeur d'autobus. Donc, quand j'ai terminé la radio, il fallait absolument que je travaille. Mm-hmm. Je me suis payé un cours privé de chauffeur d'autobus et je suis chauffeur d'autobus de touristes. Et je me promène aux États-Unis, au Québec, au Canada, avec des gens derrière moi. Puis de temps en temps, il y a des gens qui aiment ça parler de politique, qui me connaissent. Mm-hmm. Et quand on arrive à quelque part. Les gens s'assoient, bon, on jase un peu de politique, mais je suis chauffeur d'autobus et fier de l'être. Ça, c'est votre job à temps plein. Ma job à temps plein, et j'ai terminé. C'est pour ça, des fois, que les gens disent, comment ça fait que ta campagne n'est pas commencée? Moi, j'ai terminé de travailler vendredi après-midi parce que j'avais un contrat dans Baie Georgienne. Et quand je suis revenu, j'avais donné ma démission à la société pour laquelle je travaille. Ils m'ont dit, ben écoute, il faut absolument qu'on se rencontre pour terminer ton emploi. Et donc, samedi, ça a été la course contre la montre pour aller chercher tous les papiers au niveau du DGE, du scrutin. Samedi, organiser la première réunion. Dimanche, l'exécutif de comté était monté. Mmh. On est parti pour faire nos signatures. Et j'ai fait mon dépôt de mise en candidature hier. Et j'ai été accepté, bien sûr, pour ma candidature hier. Est-ce que vous avez tenté d'être candidat pour d'autres partis? Aviez-vous approché François Legault? Mais tout début, j'avais envoyé un CV à François Legault. Okay. J'avais rencontré l'équipe. Et j'ai rencontré François Legault à deux reprises. Une fois personnellement, l'autre fois en groupe. Avec avec justement mon co-licier caquiste dans Vanier-les-Rivières. Et le discours m'avait pas plu. Okay. Donc j'ai dit non. Moi, ça reste fondamentalement. C'est vous qui avez dit non, là. Non, c'est moi qui ai dit non. C'est-à-dire, pas... attention. Ils m'ont pas réapproché. OK. Donc, on va être clair, là. J'ai envoyé mon CV, mais probablement que je faisais pas l'affaire. Ben, mais c'était des deux côtés qui avaient pas plus ou moins d'intérêt. Ouais, parce que okay. Moi, de toute façon, j'étais un gars excessivement de droite, puis eux autres, vraiment, le penchant. Et toujours à gauche, on connaît. Puis Sylvain Lévesque, qui est dans mon comté, je débattrai avec lui et je l'obligerai à dire qu'il est fondamentalement péquiste. C'est intéressant ce que vous dites là. Vous semblez vous assumer. C'est quoi ça, être excessivement de droite? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis un gars rationnel de droite. Je suis un utilisateur payeur en tout. Comme je voyage beaucoup sur les routes, je dis, ben, une autoroute, là, on doit la vendre au privé, tout comme en Europe. J'ai vécu en Europe un an. Et on doit vendre nos autoroutes, récupérer cet argent-là, mettre ça dans, payer notre dette et mettre les autoroutes payantes pour utilisateurs payeurs. La 175, par exemple, qui monte à Chicoutimi, c'est pas normal qu'on ait une autoroute de 1 milliard uniquement pour que les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean descendent plus vite à Québec, parce que c'est pas pour nous autres. Quand nous autres, on montait en vacances, quand eux autres descendent, c'est une erreur, ça, pour vous, ça. Comment? C'est une erreur, ça, pour vous. C'est d'avoir une grave erreur. Et les gens de là-bas devraient assumer un frais annuel d'à peu près 100$, qui mettrait, qu'on appelle un easy pass. Et tous ceux qui monteraient à Chicoutimi ou qui redescendraient devraient payer une cote normale, comme la 407 à Toronto. Ça, c'est un gars de droite qui est rationnel et qui dit, écoute, je peux pas demander à la population en tout entière de Montréal qui va jamais à Chicoutimi de payer 1 milliard. OK. Êtes-vous excessivement de droite dans tous les domaines? Est-ce que vous êtes excessivement de droite aussi sur le plan social? Non. Pas du tout. C'est de la droite économique. Oui, c'est une droite économique et c'est une droite rationnelle. Tu sais, par exemple, je donnerais, par exemple, 5 visites annuelles à l'hôpital. Au bout de la 6e, t'as un frais de 10$ qui va être remis à la fin de l'année. Mais juste le fait de sortir 10$ en ticket modérateur. Un genre de ticket modérateur. À la fin de l'année, on te le redonne, mais au moins, la journée où tu dis je ne l'ai pas, je suis moins malade. Non, j'ai rien qu'une grippe, j'irai pas perdre 10$ dans l'attendant. OK. En matière d'immigration, c'est quoi ça, être excessivement de droite? Ben, en matière d'immigration, je l'ai déjà dit, moi, personnellement, quand on donne 75 cents par jour pour nourrir nos personnes âgées des foyers, puis qu'on à l'heure actuelle, on va en soumission pour avoir de la viande halal et cachère pour les prisons, ben moi, c'est simple. La journée où t'es reconnu criminellement responsable et t'as un dossier judiciaire, nous autres, si on prend une goutte puis on essaie de traverser les États-Unis, ils sont criminellement responsables, on n'a plus le droit d'y aller. Donc, au Québec, au Canada, on devrait faire la même affaire. T'es criminel, on n'aura pas de viande halal et cachère en prison. On te prend, on met 1 000$, on t'envoie chez vous, avec ta famille, puis t'es plus bienvenu chez nous, t'es un criminel. T'étais reconnu comme tel, j'ai pas de temps à perdre avec ça. On paiera pas 80 000$ par année pour un criminel en prison. Parce qu'il y a trop de... Je vous pose ces questions. Allez, vas-y. C'est rare que j'ai la chance d'avoir quelqu'un devant moi qui s'assume totalement. Ah, tu es pas lui, qui me dit part. Être extrêmement de droite. Ouais, extrêmement de droite. Y a-tu trop d'immigrants au Québec? C'est-à-dire qu'on n'a pas été chercher la bonne immigration. C'est qu'on veut absolument avoir une immigration francophone, toujours pour la simple, parce qu'on est un peuple de frustrés. On pense toujours que les Anglais nous ont battus, mais finalement, c'est les Français qui sont partis la queue entre les deux jambes. On connaît pas notre histoire, donc on reste frustrés en pensant que c'est les Anglais qui nous ont conquis, alors que les Anglais nous ont préservés de la guerre avec les Américains, parce que sinon on serait carrément Américains. Les Anglais nous ont sauvé la mise. Les Français étaient trop lâches, puis étaient en guerre contre l'Espagne. Ils sont retournés chez eux avec la queue entre les deux jambes. Puis aujourd'hui, on est un peuple de frustrés qui veulent absolument se séparer, parce que le Canada semble pas faire notre affaire. Alors que nous autres, l'immigration qu'on a eue, on a eu une immigration francophone, marocaine, algérienne, République dominicaine, Haïti, etc. Et finalement, l'Ouest canadien, eux, sont allés chercher tout le monde asiatique avec de l'argent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'appelle plus Vancouver. On n'a pas choisi les bons immigrants. Puis à Vancouver, on est rendu qu'on n'appelle plus Vancouver, on appelle Vancouver, parce que c'est vraiment la société économique. Êtes-vous en train de me dire que ça nous prendrait plus d'Asiatiques, moins d'Arabes? Ça prend plus d'Asiatiques et moins d'Arabes. Parce c'est que sérieux, première, ouais? Pensez-y correctement. Quand est-ce que vous avez entendu un Asiatique, un conflit avec un Asiatique? Quand est-ce que vous avez vu un Asiatique sur les journaux comme tenu criminellement responsable? Quand est-ce que vous avez vu un Asiatique pas prendre un dépanneur que les Québécois veulent pas prendre parce qu'il faut travailler de 6h du matin à 11h du soir? Dans mon quartier, à Charlebourg, j'ai deux Asiatiques qui ont pris le dépanneur dans un quartier où ils se font voler à tour de bras par les jeunes d'école. Ouais. Et finalement, je leur donne des conseils. Ils apprennent le français. Ils travaillent, ils sont là de 6h du matin aux heures du soir. Vous faites une différence. Pour vous, il y a des gens, les Asiatiques sont plus travaillants que d'autres races. Et c'était déjà en partant. C'est déjà un peuple fondateur. Définitivement, c'est un peuple fondateur. C'est un peuple qui a vraiment le travail à cœur. Ils sont habitués de travailler dur. Et je pense que ces gens-là... Moi, aujourd'hui, j'en connais des Arabes qui travaillent en maudit. J'en doute pas. J'ai rien contre les Arabes. Je dis simplement que s'ils veulent prendre leur place, mais moi, j'embarque plus dans le débat où vraiment, il faut absolument tout accepter, qu'on décroche nos crucifix. Moi, je suis foncièrement religieux. Puis lâcher mes crucifix, puis arrêter de parler de Noël, puis tout le temps d'être frustré, non, ça me tente pas du tout. OK. Avez-vous un programme? Avez-vous des affiches? Bon, tout le monde me parle d'affiches. Je reviendrai pas avec l'histoire de Mairesse Boucher qui a gagné sans affiches, mais j'aurai pas d'affiches. Ouais, ben écoute, moi je veux pas faire une obsession de ça parce que c'est vrai qu'on donne souvent l'exemple de la mairesse Boucher qui s'était pas affichée puis il y avait c'était Madame Boucher. Ah, absolument. Vous avez-vous des moyens un peu? Avez-vous un local électoral? J'ai loué un local électoral hier. Il va être à Vanier, au coin de Vanier, au coin du Père Lelièvre et de Godin. Mm-hmm. Donc je suis voisin de la Brobouffe. Mm-hmm. Donc ça nous fera une place pour aller manger. je m'assume, il n'y a pas de danger. C'est un local. C'était le seul local disponible que j'ai vu dans Vanier qui avait quand même une vision, avec une vue sur le public. Donc, il est loué d'hier, on va l'aménager aujourd'hui. Et à ce midi, à Place Fleur-de-Lys, il va y avoir non pas le lancement de la campagne, mais un gros scoop qui va sortir à midi, Fleur-de-Lys en face de chez Maxi. Un gros scoop qui va sortir à midi. Un gros scoop. Donnez-nous un indice, monsieur Roy. Non, vous venez voir. On vous donne un peu de temps d'antenne ce matin. Non, mais écoute, ça m'a fait plaisir d'en venir pour te parler de plein d'affaires. Vous avez un gros scoop à midi, vous ne pouvez pas nous dire. Non, un gros je peux pas te le dire. Je veux pas. Vous le dire. Non, parce que ça brise le scoop. Un scoop, Jérôme, un gros, un scoop, c'est un scoop. Ouais, mais personne qui écoute. Si non, je sais qu'il y a personne qui écoute. Je sais qu'il y a personne qui écoute. Je sais qu'il y a personne. Donc, ce midi, Fleur de Lys, en avant de chez Maxi. Oui, mais vous êtes censé faire de la politique autrement, monsieur Roy. Je fais de la politique très autrement. Oui, mais là, vous appliquez exactement le même stratagème que Jean Charest. Non, pas du tout. Jean Charest est venu ici en entrevue la semaine passée. Il m'a parlé pendant une demi-heure, puis il m'a jamais parlé de son annonce qu'il allait faire de créer 250 000 emplois. Je peux pas. Parce que stratégiquement, il se gardait des munitions. Vous allez comprendre. Je suis persuadé qu'à midi, vous allez tout comprendre. Et après ça, je vais faire ce que vous voulez. Vous pouvez me poser la question que vous voulez partout, sauf celui-là. Okay. Je peux pas. Celui-là, je peux pas. Comme député indépendant, qu'est-ce qu'on peut faire à l'Assemblée nationale? Parce que vous connaissez la game un peu. Moi, là, je connais beaucoup la game. Le droit de parole, c'est assez limité. Vous allez parler une fois par trois mois. Moi, on dit que je suis content. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est que le droit de parole en chambre, premièrement, c'est la période de questions sans réponse. Mm-hmm. C'est la période où on n'a jamais de réponse de la part du parti ministériel. Et deuxièmement, c'est la plus grande classe d'enfants dissipés que j'ai jamais vu de ma vie. Okay. Surtout pour des gens qui gagnent 100-125 000 par année et qui se crient des bêtises. On a vu M. Charest envoyer quelqu'un carrément à paître. On a vu Norm Macmillan s'excuser bassement avec Sylvie Roy. Les gens font des gaffes monumentales, se parlent un par-dessus l'autre. Mon père m'a tout le temps dit, quand quelqu'un parle, tu ne parles pas par-dessus. Et quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, Jean Charest avait fait un grand discours que j'avais trouvé inspirant, et comme nouveau député, je me devais d'applaudir ce discours-là. Et ça a été repris par la presse comme j'étais un nouveau, un green, qui savait pas qu'il fallait pas qu'on appelait le premier ministre. La presse s'est mêlée de ça pour me donner une leçon de conduite que mon père m'avait appris en disant que le premier ministre parle, tu l'écoutes et tu l'applaudis si c'est bien. Mm-hmm. Ou tu l'applaudis pas. Donc, personne n'a d'affaire à me donner de leçons de conduite. Et moi, en chambre, le droit de se lever en chambre, quand je vous dis que mon colistier dans le libéral s'est pas levé une fois en chambre en 4 ans, ou très, très peu. Donc, le droit en chambre, là, c'est une heure de télé-réalité où on se crie des bêtises. Dans le fond, personne n'apprend rien. Et tout le monde dit la même affaire. Moi, mon travail a toujours été, puis les gens qui me connaissent à l'Assemblée nationale savaient que je rentrais là à 6 heures le matin et je sortais de là très tard le soir. J'étais un grand travaillant. J'ai pris l'action de Montmagny, Lillet à cœur, et je vais faire exactement la même chose avec les gens de Vanier, que je vais représenter là-bas, mais je vais représenter l'ensemble des cols rouges aussi. Okay. Je vais défendre en Outroom parce que c'est la seule place qu'on peut aller. Et en plus, quand on regarde un gars comme Dominique Moret qui travaille ici et qui fait des demandes d'accès à l'information à répétition, je vais faire exactement la même chose. Je ne vais pas gaspiller 5 cents. Vous allez sortir des histoires. Je vais sortir plein d'histoires. De corruption. Absolument, parce que c'est ça que les gens veulent savoir. Pas tout simplement pour critiquer Charest ou Pauline Marois ou les autres, parce qu'on va avoir un gouvernement minoritaire, je vous l'annonce, un gouvernement libéral minoritaire. Et je mets M. Charest au défi d'être capable de garder ce gouvernement-là 4 ans en position sans relancer le Québec dans un autre débat qui va nous coûter encore 100 millions. Monsieur Roy, je partage certaines de vos opinions. Je vous dis, là, le bout sur l'immigration, là, puis ça, j'ai beaucoup de misère. Là-dessus, je pense pas du tout comme vous. Ça va. Mais je suis content. Je suis content que quelqu'un comme vous décide de représenter le travailleur sur d'autres aspects. Puis sincèrement, je vous souhaite bonne chance dans le comté. Je vais juste finir avec un point, et ça, c'est pour vous autres. Avec l'histoire, n'oubliez pas que tout est planifié dans une campagne électorale. Il n'y a rien qui est laissé de côté. Même vous en planifiez. Absolument. Faites comme les vieux partis. Absolument. Planifiez les annonces, puis tout ça. Les élections sont le 4 au matin. Vous allez sortir avec vos pelles de J'ai ma pelle le 3. Ouais, ça va être la journée. Ça va être le journée de séchage dedans. Parce que là, tous les libéraux vont être là. On va essayer de faire tout oublier la campagne électorale. Ils vont tous être là pour dire, c'est nous autres qui a 1 200 millions. Oubliez pas. Oubliez-nous pas dans vos prières, les joueurs, les amateurs de hockey. Pensez que ça va être une belle parade. Ça va être politique. Une super de belle parade. Et c'est planifié que le maire Labeaume bien avant les élections. Donc, tout était prévu. Faites attention. Il n'y a rien qui est en politique qui est laissé au hasard. On verra. De M. Charest. Mais moi, je vous le dis, Monsieur Roy, j'ai été impliqué un peu dans l'organisation de cette journée-là. Absolument. Là. Je vous le dis, s'il y a un politicien, puis vous êtes les bienvenus, mais en tant que citoyen. Absolument. Parce qu'il y a des politiciens de tous les partis, je sais qu'il va être là, mais je sais qu'il y en a pour qui ça leur tient à cœur pour vrai, là, ben le retour des Nordiques. Ben moi, c'est pas dans mon comté, fait que je serai pas là. OK, ben c'est votre choix, mais il faut pas qu'il y ait un politicien là qui essaie de prendre le dessus, parce que le but de cette journée-là, c'est justement de donner la possibilité aux citoyens d'être à l'avant-plan. Ceux qui paient l'amphithéâtre, d'être à l'avant-plan, d'être sur les photos. Fait que le politicien qui va se faire du capital politique, ça va être difficile. Mais moi, s'il y a des politiciens qui sont sincères, puis j'en connais des politiciens honnêtes et sincères, pour qui ça leur tient à cœur, ils sont les bienvenus à venir aussi creuser la première bête de terre. OK. Absolument. Hey, Monsieur Roy, bonne campagne. Merci beaucoup. Bonne campagne. Ce midi, vous allez tout savoir ça. On vous suit ce midi. Parfait. Merci, bye. Salut. Claude Roy, candidat indépendant dans le comté de Vanier.